partir, mais ça ne change rien pour nous. Ton avenir peut bien s'éloigner loin de tout. Pour toi, chaque instant de chaque jour, je serai là. Tu sais, le vide que tu laisseras, mais si tu as besoin de moi, souviens-t'en, je t'attends. C'est pourquoi ne pense pas que si le chagrin suit tes pas, il te faudra te consoler dans d'autres bras. Pour toi, chaque instant de chaque jour, je serai là. Tu sais, le vide que tu laisseras, mais si tu as besoin de moi, souviens-toi. Il suffira d'un mot de toi pour m'appeler et je viendrai. Puisque demain on doit se séparer tous deux, alors je veux te dire tout simplement ce que jamais je n'ai osé dire à personne avant. Chaque jour.